Vous écoutez l'émission de Marie-Claire Tellier. Actualité internationale, un nouveau regard sur Radio Impact. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle encore du coronavirus. Avant de partager ma lecture, je tiens à souligner qu'il s'agit d'un sujet immense, controversé et chargé d'émotions. Ce qui nécessite une réflexion, des recherches et une action minutieuse. Je n'ai aucune idée particulière de la genèse de cette situation, à part les recherches que je peux faire par moi-même. Bon, je voudrais dire en dernière heure, que ça vient de tomber. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi la conclusion d'une entente avec la Maison-Blanche dans le but de renvoyer aux États-Unis les migrants irréguliers qui tentent de franchir la frontière canado-américaine, notamment par le chemin Roxham. Bon, mon premier article vient de Moscou. Le titre, c'est « Une arme biologique américaine visant la Chine et l'Iran ». Comme je vous dis, tous les articles que je vais vous proposer dans cette émission, c'est des pistes à réfléchir. C'est pas coulé dans le béton, c'est pas des nouvelles... on en prend puis on en laisse. Bon, je vais commencer par la première que j'ai choisie, ça vient de Moscou. Les États-Unis, pour être le principal coupable de l'épidémie de COVID-2019 qui a frappé la Chine puis l'Iran, a déclaré le chef de ses gardiens de la révolution d'élite, menaçant que le virus soit finalement retourné contre ceux qui l'ont déclenché. Il est possible que ce virus soit le produit d'une attaque biologique de l'Amérique qui s'est d'abord propagée à la Chine, puis à l'Iran et puis au reste du monde, a déclaré Hossein Salmi jeudi. Il a promis que l'Iran lutterait contre le virus et a averti que la maladie reviendrait aux États-Unis si Washington était en effet responsable de l'épidémie. Bien que de telles théories du complot circulent depuis un certain temps, il n'y a toujours aucune preuve officielle que cela pourrait être vrai. Le chef de l'Organisation de la défense de la civile iranienne, général Gholam Reza Jalali, a déclaré plus tôt mardi que les médias alarmistes à propos du nouveau coronavirus dans le pays renforcent les allégations selon lesquelles le virus est une attaque biologique contre la Chine et l'Iran, et il a dit que certains rapports indiquent qu'il pourrait s'agir d'un État hostile, mais il a ajouté que ces soupçons nécessitent une enquête en laboratoire et une étude du génome du virus. L'Iran a été l'un des pays les plus durement touchés par le COVID-2019 en dehors de la Chine continentale où il est originaire. Jeudi, la République islamique, pas jeudi cette semaine, jeudi de la semaine passée, Jeudi, la République islamique avait signalé 3513 cas confirmés et 107 décès attribués au virus. Selon le ministre iranien de la Santé, Saed Damaki, une quinzaine de ceux qui ont succombé au virus sont morts au cours des dernières 24 heures. Le pays a fermé toutes les écoles, les universités jusqu'à la fin de l'année civile du pays, soit le 20 mars, dans le but de stopper la propagation du virus. Mardi, les médias d'État ont annoncé que les chefs des services médicaux d'urgence iraniens étaient traités pour un coronavirus. De nombreux responsables iraniens, de haut niveau sont tombés malades du virus. Récemment, 23 législateurs ont été testés positifs pour la maladie en République islamique. Mohamed Mir Mohammadi, membre d'un conseil qui conseille le chef suprême, est décédé des suites de la maladie. Sa mort fait suite à celle de deux autres Iraniens de renom qui ont contracté le virus, un ancien ambassadeur et un député nouvellement élu. Mon prochain article. Des scientifiques israéliens affirment que c'est par pure chance qu'ils travaillent déjà sur un virus de COVID-19 avant l'épidémie. Malgré le fait que les vaccins mettent souvent 10 à 12 ans à se développer, les chercheurs israéliens voudraient nous faire croire qu'en raison de la pure chance, entre guillemets, ils pourraient avoir un nouveau vaccin contre le coronavirus prêt à être commercialisé dans les prochains 90 jours. Les scientifiques israéliens sont sur le point de développer le premier vaccin contre le tout nouveau coronavirus, selon le ministère des Sciences de la Technologie, Ophir Akunism. Si tout se passe comme prévu, le vaccin pourrait être prêt en quelques semaines et disponible dans 90 jours, selon le communiqué. Si l'annonce israélienne est sérieuse, cela veut dire que les Israéliens et ou les Américains, puisqu'ils sont kif-kif, ont fabriqué le coronavirus depuis 10 à 12 ans et qu'il en maîtrise son développement, son SMH et ses anticorps. Félicitations à Migal. Migal, c'est de Galilée Research Institute. Pour cette percée passionnante, a déclaré Akunis. Je suis convaincue qu'il y aura de nouveaux progrès rapides, nous permettant de fournir une réponse nécessaire à la grave menace mondiale du COVID-19, a déclaré Akunis, se référant à la maladie causée par le nouveau coronavirus. Au cours des 4 dernières années, une équipe de scientifiques du Migal a mis au point un vaccin contre le virus de la bronchite infectieuse, Infectious Bronchitis Virus, IBV, qui provoque une maladie bronchite affectant la volaille. L'efficacité du vaccin a été prouvée lors d'essais précliniques menés à l'Institut vétérinaire. Notre concept de base était de développer la technologie et non spécifiquement un vaccin pour ce type de virus. Fermez les guillemets, a déclaré le docteur Shenkaz, chef du groupe biotechnologie du Migal. Le cadre scientifique du vaccin est basé sur un nouveau vecteur d'expression protéique qui forme et sécrète une protéine soluble chimérique qui libère l'antigène viral dans les tissus muqueux par endocytose auto-activée, provoquant la formation d'anticorps provoquant la formation d'anticorps par le corps contre le virus. L'endocytose est un processus cellulaire dans lequel les substances sont introduites dans une cellule en entourant le matériau de membrane cellulaire formant une vésicule et le matériau ingéré. Dans les essais précliniques, l'équipe a démontré que la vaccination orale induite des niveaux élevés d'anticorps anti-IBH spécifique, a déclaré Katz. Appelons ça de la chance, a-t-il dit. Nous avons décidé de choisir le coronavirus comme modèle pour notre système, tout comme une preuve de concept pour notre technologie. Mais après que les scientifiques ont séquencé l'ADN du nouveau coronavirus à l'origine de l'épidémie mondiale actuelle, des chercheurs du MIGAL, en parenthèse, l'Institut de recherche dans le développement du coronavirus, l'ont examiné et ont constaté que le coronavirus de la volaille a une forte similitude génétique avec l'humain et qu'il utilise le même mécanisme d'infection, ce qui augmente la probabilité de parvenir à un vaccin humain efficace en très peu de temps, a déclaré Katz. Tout ce que nous devons faire, c'est ajuster le système à la nouvelle séquence, fermer les guillemets, a-t-il déclaré. Nous sommes au milieu de ce processus où nous espérons que, dans quelques semaines, nous aurons le vaccin entre les mains. Oui, dans quelques semaines, si tout fonctionne, nous aurons un vaccin pour prévenir le coronavirus, fermer les guillemets. Le MIGAL serait responsable du développement du nouveau vaccin, mais il devrait ensuite passer par un processus réglementaire comprenant des essais cliniques et une production à grande échelle, a déclaré Katz. Acunism a déclaré qu'il avait chargé le directeur général de son ministère d'accélérer tous les processus d'approbation dans le but de mettre le vaccin humain sur le marché le plus rapidement possible. Compte tenu du besoin mondial urgent d'un vaccin contre le coronavirus humain, nous faisons tout en notre possible pour accélérer le développement, a déclaré le PDG de MIGAL, David Zeidan. Le vaccin pourrait obtenir la préparation de sécurité en 90 jours, a-t-il déclaré. Ce sera un vaccin oral, le rendant particulièrement accessible au grand public, a déclaré Zeidan. Quoi que vous pensiez des vaccins en général, leur développement est un processus long et compliqué, et la plupart des sources traditionnelles déclarent qu'il faut entre 10 et 12 ans pour qu'un vaccin soit approuvé pour une utilisation publique. Curieusement, ces Israéliens affirment qu'ils travaillent justement sur cette source de coronavirus avant le déclenchement de l'épidémie, ce qui leur a donné, entre guillemets, une longueur d'avance sur la concurrence. Quelle coïncidence! Ils aimeraient que vous pensiez que la volaille et le coronavirus humain sont si similaires que les travaux sur les premiers peuvent être appliqués au second, ce qui n'est pas nécessairement le cas en raison de la spécificité des vaccins. Dire « assez près, ça ne marche pas » dans les vaccins, plus généralement en médecine. Il donne l'impression qu'il travaille sur un modèle générique pour les vaccins pulmonaires qui pourraient facilement être modifiés en d'autres virus, entre guillemets, similaires. La raison pour laquelle les vaccins contre la grippe ne fonctionnent pas de saison en saison est que chaque année, il y a un nouveau virus et qu'ils doivent recommencer à zéro. Et que leur coronavirus ferait la même chose. Il peut muter d'une année à l'autre. Fait intéressant, un article similaire sur le vaccin est paru dans le Time of Israel, mais cet article n'a pas mentionné le rôle que, entre guillemets, la chance a joué dans le développement rapide du vaccin, mais il est mentionné qu'ils avaient travaillé sur ce modèle générique depuis 4 ans déjà. Étrangement, ce deuxième article fait une affirmation plutôt contradictoire. Ils ont trouvé la séquence génétique de celui-ci en ligne et l'ont appliquée à leur modèle. Lequel est-ce? Travaillait-il déjà sur le COVID-19 ou non? Quoi qu'il en soit, le deuxième article fait également la déclaration étonnante selon laquelle il pourra avoir le vaccin prêt dans 90 jours seulement à partir de maintenant. Afin de précipiter ce vaccin sur le marché, il ne peut certainement pas être testé correctement en si peu de temps et quiconque le prend menacerait littéralement sa vie. Rappelez-vous la dévastation causée par le vaccin contre la grippe porcine. Les gens ont été tellement pris dans l'hystérie créée par les médias qu'ils étaient prêts à prendre un vaccin mal fabriqué et mal testé. Rappelez-vous qu'en raison de l'hystérie généralisée par les médias entourant la polio, le premier vaccin contre la polio de Jonas Salk a été expédié sur le marché sans les tests appropriés et a en fait provoqué la polio chez les enfants et a dû être tranquillement retiré tout en prétendant faussement crier victoire sur la polio. Et la même chose peut très bien se reproduire cette fois. La bureaucratie normale pour faire approuver ce vaccin sera élevée en raison de sa forte demande et de la peur panique du public. Et ce nouveau vaccin pourrait finir par tuer bien plus de personnes que ne le fera jamais le coronavirus. Prochain article. Coronavirus versus les États-Unis. La moitié de l'Amérique va tomber malade. Voici ce que Goldman a dit à ses 1500 clients lors de sa téléconférence d'urgence du dimanche. Au moment où la Fed a stupéfié les marchés avec son intervention bazooka d'urgence à 17h le dimanche, Goldman tenait une conférence téléphonique d'urgence au cours de laquelle quelques 1500 clients et entreprises se sont connectés, ce qui rend les comparaisons avec Lehman Sunday particulièrement pertinentes. Pour ceux qui se demandent ce que Goldman a dit, voici l'essentiel. 50% des Américains contractent le virus, 150 millions de personnes, car il est très transmissible. Ceci était à égalité avec le rhume, rhinovirus, dont il existe environ 200 souches et dont la majorité des Américains auront 2 à 4 souches par an. 70% de l'Allemagne le contactera, 58 millions de personnes. Il s'agit de la prochaine économie industrielle la plus pertinente à être affectée. Le pic du virus est attendu au cours des 8 prochaines semaines, puis diminuera par la suite. Le virus semble être concentré dans une bande située entre 30 et 50 degrés de latitude nord, ce qui signifie que, comme le rhume et la grippe, il préfère le froid. L'été à venir dans l'hémisphère nord devrait aider, ce qui signifie que le virus est probablement saisonnier. Parmi les personnes touchées, 80% seront au stade précoce, 15% au stade intermédiaire et 5% au stade critique. Les symptômes à un stade précoce sont comme le rhume et les symptômes à mi-parcours comme la grippe. Ceux-ci restent à la maison pendant 2 semaines et se reposent. 5% sont critiques et fortement présentes pour les personnes âgées. Le taux de mortalité allant jusqu'à 2% en moyenne, dont la plupart parmi les personnes âgées immunodéprimées, soit jusqu'à 3 millions de personnes, 150 millions multipliés par 0.02. Aux États-Unis, environ 3 millions de personnes meurent par an, principalement en raison de la vieillesse et de la maladie, et ces deux étant fortement corrélés. En pourcentage, très peu d'accidents. Il y aura un chauffagement important. Cela signifie donc que pas 3 millions de nouveaux décès dus au virus. Cela signifie que les personnes âgées meurent plus tôt en raison de problèmes respiratoires. Cela peut stresser le système de santé. Il y a un débat sur la manière d'utiliser le pré-vaccin du virus. Les États-Unis tendent vers la mise en quarantaine. Le Royaume-Uni, lui, tend à permettre de se propager afin que la population puisse développer une immunité naturelle. La mise en quarantaine risque d'être inefficace et d'entraîner des dommages économiques importants, mais elle ralentira le taux de transmission, ce qui donnera au système de soins de santé plus de temps pour traiter le nombre de cas. L'économie chinoise a été largement affectée. ce qui a affecté les matières premières et la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cela peut prendre jusqu'à 6 mois pour qu'elle se rétablisse. Le taux de croissance du PIB mondial sera le plus bas des 30 dernières années à environ 2 %. Le S&P 500 connaîtra un taux de croissance négatif de moins 15 % à moins 20 % pour l'année 2020 dans son ensemble. Le virus lui-même causera des dommages économiques, mais les dégâts réels sont principalement dus à la psychologie du marché. Les virus sont avec nous depuis toujours et les marchés boursiers devraient se redresser complètement au cours du deuxième semestre. Au cours de la semaine dernière, il y a eu une confluence de l'impact du virus avec le développement de la guerre des prix du pétrole entre l'Arabie et la Russie. Alors que la baisse des prix de l'énergie est généralement bonne pour les économies industrielles, les États-Unis sont maintenant un grand exportateur d'énergie, ce qui a eu pour impact négatif la valorisation du secteur énergétique national. Cela se poursuivra pendant un certain temps, alors que les Russes tentent d'étrangler économiquement les producteurs de schiste américains et les Saoudiens sont pris au milieu et ne veulent pas céder davantage de parts de marché à la Russie ou aux États-Unis. Techniquement, le marché a généralement cherché une raison de se réinitialer après le plus long marché haussier de l'histoire. Il n'y a aucun risque systémique. Personne n'en parle même pas. Les gouvernements interviennent sur les marchés pour les stabiliser et le secteur bancaire privé est très bien capitalisé. Cela ressemble plus au 9 septembre qu'à 2008. Prochain article. Le coronavirus aux États-Unis serait la faute des Russes. Chaque fois que l'on dit que l'inepte propagande de la dominance impériale américaine a atteint le fond du ridicule et chaque fois on est surpris par son regain d'énergie pour tomber toujours plus bas. On se rappelle que l'abominable Poutine des neiges avait déjà été accusé, entre autres choses, de militariser des pieuvres géantes, d'attaquer la démocratie américaine à coups de Pokémon, ça vient de CNN, et de manipuler les campagnes de vaccination. Sans compter, ne riez pas, la subversion de nos enfants par les dessins animés, l'instrumentalisation de la persuasion Jedi ou encore l'empoisonnement d'Hillary Clinton par elle-même. Chers amis, l'orgue a passé à un cap supérieur et va, tenez-vous bien, désormais utiliser le coronavirus pour semer la discorde parmi les Américains. Et oui, l'héroïque New York Times nous l'apprend. Les arguments sont certes quelque peu poussifs et jetés en toute fin de l'article. L'épidémie coïncide avec la campagne électorale. Elle est déjà l'objet de théories du complot et Trump l'a mal gérée. On ne voit pas trop le rapport avec Moscou, mais une bonne presse libre et démocratique ne s'arrête pas à ces futiles détails. Tremblez, bon peuple américain, l'ours est là qui rôde, s'apprêtant à s'engouffrer dans la brèche virale. Heureusement que nos glorieux journalistes veillent. La loi de Goldwyn. La loi de Goldwyn est une règle empirique énoncée en 1990 par Mike Godwin, d'abord relative au réseau Usenet, puis étendue à l'Internet. Plus une discussion en ligne dure, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant des nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Vladimir Poutine aimant les points Godwin, classiquement le fait dans un débat de faire des références à Adolf Hitler ou au Troisième Reich dans le but de discrédibiliser son adversaire. La loi de Godwin, dont le champ d'application de l'énoncé original est restreint aux discussions sur Usenet, peut se généraliser de la manière suivante à la presse mainstream américaine. Pour toute la presse mainstream américaine, il existe un unique thème. C'est la faute à Poutine. Tel que pour toute discussion au sein de cette presse, la probabilité que ce thème soit abordé tend vers 1. Il est inutile de revenir ici sur le flop du Russiagate relative aux fake news des médias sur l'intervention russe dans les élections américaines, ou tout le cinéma qui a duré des années et coûté des millions de dollars pour finir en un non-lieu. Voici d'autres exemples. Après l'empoisonnement en Angleterre de l'ex-espion russe Sigel Shirpal, l'Angleterre a franchi une nouvelle limite, celle du point Godwin. Mercredi 21 mars, le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, a trouvé juste de comparer la Coupe du monde de football en Russie avec les Jeux olympiques de Berlin en 1936 sous Hitler. Franchement, c'est à vomir de penser à Poutine en train de se glorifier lors de cet événement sportif, a-t-il ajouté en réponse à un parlementaire qui estimait que le président russe Vladimir Poutine allait utiliser la Coupe du monde comme Hitler a utilisé les Jeux olympiques de 1936. Le point Godwin de l'histoire franco-russe, le lundi 11 mai 2015. L'humanité. Poutine et l'Ukraine, la prolifération des points Godwin par l'Express français du 6 mars 2014. Le président russe Vladimir Poutine a été comparé à Adolf Hitler plusieurs fois ces derniers jours. Une analogie établie notamment par Hillary Clinton entre l'intervention en Crimée et l'annexion de l'Autriche en 1938. L'intervention russe en Crimée a poussé plusieurs observateurs à créer une parallèle avec l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938. Prochain article. Le coronavirus aux États-Unis, la faute des Russes. L'Organisation mondiale a affirmé que les premiers tests d'un vaccin contre le nouveau coronavirus avaient commencé. Pour l'un des responsables de l'OSM, cette étape est une réalisation incroyable lors d'une conférence de presse à Genève le 18 mars. Le directeur général de l'OSM a annoncé le début des premiers essais d'un vaccin contre le COVID-19. Lire aussi coronavirus. La Chine décuple son aide envers l'Europe, nouvel épicentre de la pandémie, alors que l'Organisation mondiale de la santé a recensé plus de 200 000 cas dans le monde, avec plus de 8 000 personnes ayant perdu la vie. Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus a de fait affirmé, comme vous le savez, le premier essai de vaccin a commencé 60 jours seulement après que la Chine a partagé la séquence génétique du virus. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs qualifié cette étape de réalisation incroyable. Il a également remercié les chercheurs du monde entier qui sont réunis pour évaluer systématiquement les thérapies expérimentales. D'après l'ONU, qui a relayé les éléments de cette conférence de presse, le patron de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé la mise en place d'un programme d'échange de données sur différents traitements du coronavirus à travers le monde afin d'identifier les traitements les plus efficaces. Il a ainsi expliqué la démarche de l'étude. De nombreux petits tests de différentes méthodes peuvent ne pas nous donner de preuves claires et rassurantes des traitements qui aident à sauver des vies. L'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires organisent de ce fait dans de nombreux pays une étude dans laquelle certains de ces traitements non testés sont comparés. L'Organisation mondiale de la santé a en outre conseillé les pays à adopter des mesures d'éloignement physique, comme l'annulation d'événements sportifs, de concerts ou d'autres grands rassemblements. Cela pouvant contribuer à ralentir la transmission du coronavirus. Tedros Adhanom Ghebreyesus, excusez, j'ai de la misère avec son nom, a décrit le COVID-19 comme un ennemi sans précédent. Mais c'est aussi une occasion sans précédent de nous rassembler contre un ennemi commun, un ennemi de l'humanité. Prochain article qui nous vient d'Iran. Les États-Unis devraient clarifier leur rôle dans la création-diffusion du COVID-19 sans accuser les autres. Les kits de tests de la Chine prennent 10 minutes. Le chef de la sécurité iranienne affirme que les États-Unis feraient mieux de répondre aux demandes internationales pour qu'ils clarifient leur rôle dans la création et la propagation du nouveau coronavirus au lieu de pointer le doigt sur l'Iran et la Chine. S'engager dans des jeux de blâme est le moyen typique des États-Unis pour échapper à leurs responsabilités, a tweeté mercredi le secrétaire du Conseil suprême de sécurité iranien, Ali Shamkhani. Au lieu d'accuser faussement l'Iran et la Chine, les responsables américains doivent répondre aux demandes internationales sur le rôle de l'Amérique dans la création et la propagation du coronavirus. Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a affirmé mardi, lors d'une conférence de presse à Washington, que le virus de Wuhan est un tueur et que le régime iranien est un complice, alléguant que l'Iran tentait d'éviter sa responsabilité. Pompeo a également accusé la Chine de mener une campagne de désinformation qui, selon lui, était conçue pour transférer la responsabilité sur le virus. Le responsable américain, quant à lui, a détourné les questions sur la qualité des performances de Washington dans sa lutte contre le virus. Le virus est apparu dans la ville centrale de Wuhan, en Chine, à la fin de l'année dernière. Il a jusqu'à présent tué plus de 8000 personnes et en a infecté plus de 200 000 autres dans le monde. Plus de 3200 personnes sont mortes et plus de 81 100 personnes autres ont été infectées en Chine, tandis que l'Iran a signalé 988 décès et 16 169 cas d'infection. Les États-Unis et la Chine se sont engagés dans une guerre des mots sur l'origine du coronavirus. Pompeo et le président Donald Trump se référant à plusieurs reprises à la maladie comme le virus de Wuhan, chinois ou étranger, tandis que les autorités chinoises spéculent que l'armée américaine aurait pu apporter le coronavirus en Chine. Dans un tweet la semaine dernière, Li Jianzhao, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a demandé à Washington de fournir des informations précises concernant l'étendue et le point de départ de l'épidémie à l'intérieur des frontières américaines. Quand le patient zéro a-t-il commencé aux États-Unis? Combien de personnes sont infectées? Quels sont les noms des hôpitaux? Il a demandé cela. Le responsable chinois a également déclaré: ce pourrait être l'armée américaine qui a amené l'épidémie à Wuhan. Soyez transparents, rendez vos données publiques. Les États-Unis nous doivent une explication. Les États-Unis doivent être tenus responsables des interdictions criminelles anti-iraniennes. Dans ses remarques, Pompeo a répété une affirmation antérieure selon laquelle les États-Unis étaient prêts à aider l'Iran face au virus. En réponse à cette affirmation, Shamkhani a déclaré que les États-Unis devaient être responsables pour ces crimes continus contre le peuple iranien dans le cadre de sa soi-disant campagne de pression maximale qui a vu Washington imposer des sanctions les plus dures à la République islamique. Les États-Unis ont établi leurs sanctions contre l'Iran en mai 2018 après avoir quitté un accord nucléaire approuvé par les Nations Unies avec l'Iran et 5 autres pays. Téhéran a poursuivi Washington devant la Cour internationale de justice par la suite. Le tribunal a décidé que les États-Unis devraient lever leurs sanctions sur les fournitures humanitaires. Washington présente avoir exempté les aliments et les médicaments de cette ces interdictions. Téhéran rejette catégoriquement cette affirmation comme un message effronté. L'Iran a écrit aux Nations Unies et à toutes les organisations internationales demandant instamment la suppression des mesures draconiennes qui entravent la lutte du pays contre le virus. Le prochain article. Le COVID-19 fait en Israël, non pas en Chine comme le prétend Trump. Les faits ne mentent pas et nous savons maintenant avec une certitude absolue que le COVID-19 est un virus artificiel et que ceux qui sont derrière, y compris les médias officiels et autres, essaient d'accuser la Chine ou même la Russie. Nous savons que la ligne du parti du Deep State qui se résume à « il s'est échappé d'un laboratoire chinois » est contraire à la réalité. Nous étudions intensément les épidémies de virus depuis l'apparition des premiers cas à Wuhan. Cependant, ce n'est que maintenant que nous avons déterminé ce qui se passe et ce qui se cache derrière. Parfois, des indices proviennent des sources les plus inattendues. Il y a quelques jours, nous avons obtenu un tel indice d'un agent de désinformation israélien notoire, disgracié, qui a écrit sur les gens sympas du Gatestone Institute et comment il avait publié une histoire sur le virus qui s'est échappé d'un labo chinois à Wuhan. La simple mention du Gatestone Institute a immédiatement déclenché mon détecteur de conneries et j'ai décidé d'examiner la question. Les lecteurs de longue date de Veteran Today connaîtront le Gatestone Institute et sa célèbre chef, Nina Rosenwald, l'archi-sioniste pro-israélienne, ancienne membre du conseil d'administration de l'American Israel Public Affairs Committee, l'AIPAC, et de la GINSA, Jewish Institute for National Security Affairs. Ces deux organisations au cœur du lobby israélien aux États-Unis qui sont profondément complices des ingérences néfastes israéliennes dans la politique américaine. Ce ne sont pas des gens sympas. Ce sont tout le contraire, des racailles, des traîtres, des rebuts de la terre qui ont activement aidé le viol et le meurtre des États-Unis par des criminels sionistes. L'article incriminé a été écrit par un Italien du nom de Guido Meotti et peut être trouvé ici. Coronavirus, la guerre de la Chine contre la vérité par Guido Meotti le 7 mars 2020 dans le Gatestone Institute, dans un article du Gatestone Institute. L'article est une dégoûtante et raciste propagande anti-chinoise. Son objectif principal est de promouvoir l'idée que les Chinois sont vraiment mauvais et indignes de confiance et ce sont eux-mêmes les responsables de l'épidémie du virus qui s'est échappé dans le laboratoire de recherche de Wuhan. Je vais aller droit au but. Cet article est complètement nul et Guido Meotti est un agent de désinformation israélien. Alors, pourquoi avons-nous un tas de comparses israéliens notoires faisant la promotion du récit frauduleux sur les origines du virus? La réponse devient évidente. Il couvre le fait que l'épidémie du virus est l'œuvre des Israéliens, un acte de bioterrorisme à grande échelle. J'ai déjà expliqué pourquoi la Chine est attaquée dans mon introduction à l'article de Gordon publié hier, qui est une lecture essentielle pour comprendre la situation actuelle. L'ingénierie de Trump une énorme pompe et un déversement sur une pandémie de la bio-ingénierie en profondeur ont tué l'Amérique. Introduction par Green Allag. Ce que Gordon a écrit ci-dessous est une lecture essentielle, absolument essentielle, car il vous la donne directement, honnêtement, de ce que vous pouvez malheureusement pas trouver ailleurs dans cette ère de médias totalement contrôlée et totalement censurée. Voici un extrait. Bien sûr, les mains cachées qui contrôlent pratiquement le monde entier et son économie n'étaient pas préparées pour permettre aux Chinois de devenir une puissance économique, industrielle et militaire dominante. Alors, ils ont décidé de faire la guerre à la Chine, une guerre non déclarée qui ressemble à aucune autre qui l'a précédée, car elle n'est pas menée sur les champs de bataille par des militaires, ni dans le ciel par des avions et des missiles. Un rapide aperçu de certaines actions offensives prises contre la Chine laisse peu de doute qu'une campagne concertée a été menée contre la puissance asiatique. Le soulèvement parrainé par la CIA dans la province de Wanjin par les islamistes Ouïghours a coûté d'énormes sommes d'argent aux Chinois et a consacré de gros efforts à réprimer et encore aujourd'hui est toujours en cours. La décimation des fermes porcines chinoises par la grippe porcine, les flambées de grippe aviaire qui ont provoqué une telle panique et ont gravement endommagé les économies asiatiques, la guerre commerciale de Trump et les sanctions américaines contre la Chine, l'arrestation illégale du directeur financier Huawei au Canada, l'attaque du port de Tianjin avec une arme nucléaire, les manifestations parrainées par les États-Unis à Hong Kong, les empiétements provocateurs dans la mer de Chine méridionale et le détroit de Taïwan par des flottilles de la marine américaine. C'est juste une courte liste en haut de ma tête. Il y en a beaucoup d'autres qui pourraient être ajoutées à cette liste. Mais le tableau est clair. La Chine est l'objet d'attaques soutenues depuis quelques années. Cela couvre la Chine. Mais qu'en est-il de l'Italie? Ce pays est le deuxième durement touché et l'ampleur de l'épidémie y éclipse tous les autres pays. Il est clair que l'Italie a été désignée pour des sanctions spéciales, comme ci-dessus, et au-delà de tout le monde, à l'exception des Chinois. Il n'est pas difficile de découvrir pourquoi l'Italie est attaquée. Il suffit de lire les premiers paragraphes de cet article. Conseil européen des relations étrangères. European Council on Foreign Relations. Avant la visite de Xi Jinping en Italie, la Belt and Road Initiative, BRI, de la Chine avait rejoint une longue série de questions qui divisent les partis au pouvoir en Italie. Il suffit de jeter un coup d'œil aux médias italiens pour savoir que dans l'ensemble du spectre politique, le débat public italien est dominé par des discussions sur la question de savoir si le gouvernement chinois tente d'acheter le pays. À la suite de l'approbation officielle par Rome de l'initiative BRI au début du mois, la plupart des décideurs et commentateurs politiques italiens semblent avoir mis de côté les défis urgents de l'agenda européen pour se concentrer sur ce déplacement inattendu vers l'Est. Même des questions aussi conflictuelles que la migration et les pouvoirs de l'Union européenne, piliers d'identité politique du mouvement 5 étoiles au pouvoir et de la Ligue, semblent désormais quelque peu dépassés. Le débat oppose ceux qui accordent la priorité au renforcement des relations économiques avec la Chine à ceux qui craignent que l'initiative fasse de l'Italie la prochaine Afrique ou la Grèce. À bien des égards, la récente augmentation de l'enthousiasme italien pour les relations économiques plus étroites avec la Chine a commencé en 2014, lorsque Matteo Renzi, alors premier ministre, a effectué une tournée de haut niveau dans le pays. Le successeur de Renzi, Paolo Gentiloni, a poursuivi ses efforts pour courtiser Pékin, tout comme le gouvernement italien actuel. La Chine et l'Italie négocient actuellement un mémorandum qui comprend 50 accords économiques, culturels et infrastructurels, dont la plupart concernent des entreprises publiques et privées italiennes, y compris des champions nationaux. Le mémorandum, qui, contrairement à celui de Pékin avec 13 autres États européens, n'est pas juridiquement contraignant, sera signé lors du voyage du président Xi Jinping en Italie du 21 au 24 mars. La première visite de ce type d'un dirigeant chinois depuis Hu Jintao, qui a assisté au sommet du G8 à L'Aquila en 2009. Le premier ministre Giuseppe Conte, ancien avocat, a souligné à plusieurs reprises que le mémorandum comprenait toutes les références nécessaires aux valeurs européennes et multilatérales que l'Italie a demandé à la Chine de respecter. Il vise à rassurer les partenaires européens et entre autres de Rome, principalement Washington, que l'Italie reste attachée à l'Union européenne et aux relations transatlantiques. Vous l'avez en un mot. L'Italie a forgé des liens solides avec la Chine, en particulier économiques, comme le dit l'article de ECRF. Rome semble désormais coincée entre Pékin et Washington, entre opportunités économiques et garanties de sécurité. L'Italie est séparée du troupeau bêlant de l'Union européenne, et a osé aller de l'avant avec les politiques commerciales et économiques qui l'entraînent dans l'orbite chinoise. Ce n'est tout simplement pas acceptable pour les criminels sionistes internationaux. Ils veulent que la Chine soit isolée, dépourvue d'alliés et donc vulnérable. La récompense d'Italie pour avoir osé s'allier à la Chine est de devenir la principale victime européenne du bioterrorisme israélien et elle en sera durement touchée pour faire en sorte que chaque autre nation ait peur de conclure des accords avec la Chine ou de rejoindre sa BRI. Étant donné que l'Italie a une population âgée et que ses services publics sont sous-financés depuis de nombreuses années, le risque est grand que l'épidémie se transforme en une situation vraiment horrible. Les autorités italiennes ne sont pas aveugles de ces faits et elles prennent des mesures très strictes. Le pays est virtuellement bloqué. Les voyages sont interdits. Ceux qui enfreignent l'interdiction risquent d'être emprisonnés. La police et l'armée sont maintenant prêtes pour faire respecter le verrouillage de la quarantaine. Attendez-vous à ce que les choses empirent en Italie, car on fait un exemple et la punition sera sévère afin d'effrayer et d'intimider à fond tous les dirigeants mondiaux. Le message est clair. Alliez-vous avec la Chine et vous ferez face au même sort que l'Italie. Bon, j'ai terminé. Il me reste 5 minutes, mais si je continue mon autre article... Oui, je pense que j'ai le temps de le dire. 60% des Américains pensent que Trump ment sur le COVID-19. Les Américains ont peu confiance dans les informations qu'ils reçoivent du président Trump sur le nouveau coronavirus et leur confiance dans la réponse du gouvernement à celui-ci diminue fortement selon un nouveau sondage de NewsHour. À Paris, à peine 46% des Américains disent maintenant que le gouvernement fédéral fait suffisamment pour empêcher la propagation du coronavirus contre 61% en février. Seulement 37% des Américains disent maintenant qu'ils avaient une bonne ou une grande confiance dans ce qu'ils entendent du président, tandis que 60% disent qu'ils n'avaient pas beaucoup ou peu confiance dans ce qu'il dit. Le président totalise le pire résultat de confiance de tous les groupes testés, qu'il s'agisse de responsables de la santé publique, de dirigeants étatiques ou des médias. Bon, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et je vous dis à la prochaine, vendredi prochain à 14h. Merci et bonne fin de semaine. Thank you.